Chapitre 24e. Voyage à Philadelphie, canal du Chesapeake et du Delaware, ville de Philadelphie, adieu de Miss Wright. Vers la fin d'août 1830, nous fîmes un voyage à Philadelphie, et malgré la saison, nous fûmes assez heureux pour avoir un beau temps et une chaleur modérée pendant cette excursion. La route de Washington à Baltimore, où se termina la première journée de notre voyage, est intéressante pendant l'été, par la variété du feuillage touffu qu'il aborde en grande partie. Nous passâmes la nuit à Baltimore, et nous nous embarquâmes le lendemain matin à bord d'un bâtiment à vapeur allant à Philadelphie. Les bords de la rivière d'Elk, dans laquelle on entre peu de temps après avoir quitté le port de Baltimore, n'ont rien de très beau. Nous partîmes à 6 heures du matin, et à midi nous arrivâmes au canal du Chesapeake et du Delaware. Nous quittâmes alors le bâtiment à vapeur, et ayant fait 500 à 600 pas pour arriver au canal, nous montâmes sur une jolie petite barque à pont couverte d'une banne et tirée par 4 chevaux. Ce canal traverse l'état du Delaware et opère la jonction de la rivière de Chesapeake avec celle de Delaware. Il a fallu une dépense considérable pour l'ouvrir, quoiqu'il n'ait pas plus de 13 000 de longueur, car dans une grande partie de cette distance, il a été creusé très profondément et les bords en sont en plusieurs endroits revêtus de chaume pour empêcher qu'ils ne s'écroulent. Au point où il est le plus profond, un pont léger a été jeté à travers, et sa grande hauteur en fait un objet frappant pour les voyageurs qui passent en dessus. Chaque barque qui passe sur ce canal paye un droit de $20. Rien ne peut offrir moins d'intérêt que la partie de l'état du Delaware que ce canal traverse, en exceptant à peine le Mississippi. À 1 heure, nous entrâmes dans la rivière de Delaware, presque en face du fort qui porte le même nom, qui paraît récemment construit et qui est fort beau. Là, nous changeâmes encore de navire et nous passâmes de nouveau sur un des nobles bâtiments à vapeur d'Amérique. Ces changements de vaisseau s'opérèrent avec autant de régularité que de promptitude. Il n'y a rien de remarquable dans l'aspect que présente cette rivière. Elle est fort large et les rives en sont plates. Un peu avant d'arriver à Philadelphie, on a les yeux frappés par 2 grands édifices d'une apparence singulière. On m'apprit qu'ils avaient été construits pour mettre à l'abri 2 vaisseaux de guerre. Les toits en sont remarquables, et l'air y pénètre par un grand nombre de croisées. La construction de ces 2 édifices a dû coûter une somme considérable, mais comme celle des grands navires qu'ils couvrent avait été encore plus coûteuse, ce peut être une sage économie. Nous arrivâmes à Philadelphie à 4 heures après-midi. Quand on s'approche de cette ville, elle frappe beaucoup moins que celle de Baltimore. Quoiqu'elle soit beaucoup plus grande, elle ne se présente pas aussi bien. Il lui manque des dômes et des colonnes. Et pourtant, c'est une belle cité, d'une propreté exquise. Les rues sont bien pavées, et de même que dans toutes les anciennes villes d'Amérique, les trottoirs sont en briques, comme la vieille promenade à Tunbridge Wells. Ils sont presque entièrement garantis du soleil par les bannes qui, dans toutes les principales rues, sont suspendues du haut des croisées des boutiques et s'étendent dans toute la largeur des trottoirs. Cette ville est bâtie avec une régularité presque fatigante. Les rues, qui vont du nord au sud, sont distinguées par des numéros depuis 1 jusqu'à je ne sais combien, mais j'ai fait une visite dans la rue 12. Elles sont coupées à angle droit par d'autres rues qui portent les noms de différents arbres. La rue du Mûrier, plus communément appelée Arch Street, et celle du Châtaignier et du Noyer, paraissent les plus à la mode. Il se trouve un théâtre dans chacune d'elles. Cette manière de distinguer les rues est très commode pour les étrangers, parce qu'elle leur donne la facilité de reconnaître où ils sont. Si vous demandez la Banque des États-Unis, on vous dit qu'elle est dans la rue du Châtaignier, entre les rues 3 et 4. Et comme les rues sont à égale distance l'une de l'autre, environ 300 pieds, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Il s'y trouve beaucoup de jolies maisons, mais aucune qui soit d'une grande magnificence. En général, elles sont bâties en briques, les plus belles ont des marches de marbre blanc, et les jambages des portes de quelques-unes sont aussi de marbre. Mais en somme, le marbre est moins employé dans les bâtiments particuliers qu'à Baltimore. Tous les Américains semblent admirer beaucoup cette cité, et ils la préfèrent, pour la beauté, à toutes celles des États-Unis. Je ne suis pas du même avis. Il s'y trouve quelques beaux édifices, mais aucun n'est placé de manière à produire un effet frappant, comme le Capitole et la maison du président à Washington. on rencontre un ou plusieurs de ces beaux bâtiments dans toutes les principales rues, et cependant, le coup d'œil est partout le même. On n'y voit pas de place Louis XV ou de carrousel, point de Regent Street ou de Green Park, qui force à s'écrier « Que cela est beau !» Tout est droit, uniforme et sans intérêt. Il y a pourtant, à environ 1 mile de la ville, un endroit qui offre une scène admirable. Les machines hydrauliques de Philadelphie n'ont peut-être pas encore une renommée aussi étendue que celle de Marly, mais elles ne la méritent pas moins. Un point délicieux de Schuylkill, on a forcé l'eau de cette rivière d'entrer dans un magnifique réservoir, assez vaste et assez élevé pour la distribuer dans toute la ville. C'est par un mécanisme aussi vaste que simple qu'on est arrivé à ce but, et la foule qui s'y rend pour l'admirer est si grande que plusieurs voitures publiques vont chaque soir de Philadelphie à Fairmount pour y conduire les amateurs. Mais quelque intéressante, quelque curieuse que soit cette machine hydraulique, Fairmount ne serait pas si attrayant s'il n'avait pas autre chose à offrir. C'est dans le fait un des endroits les plus charmants qui puisse se présenter aux yeux. Une grande écluse, placée à travers le Schuylkill, produit le son et l'apparence d'une cascade. De l'autre côté de la rivière est une maison de campagne dont la belle pelouse de verdure descend jusqu'au bord de l'eau et des groupes de saules pleureurs et d'autres arbres en ombrage la rive. La machine est placée dans un bâtiment construit en pierre de taille, aussi beau que simple, et dont la façade s'étend le long d'une terrasse donnant sur la rivière. Derrière cet édifice s'élève comme un mur immense, un rocher de pierre calcaire, qui n'en est séparé que par un tapis de verdure et qui a été coupé dans un ou deux endroits pour faire entrer l'eau dans le noble réservoir dont j'ai parlé. De toutes les crevasses de ce rocher, on voit sortir le catalpa couvert de ses fleurs magnifiques. Sous un de ces arbres, une ouverture pratiquée dans le roc donne passage à un filet d'eau, claire et brillante comme le cristal, qui tombe dans un bassonnet de pierre d'un travail fort simple et où se trouve une coupe à l'usage du voyageur altéré. Dans un autre endroit, une partie de l'eau qui monte au réservoir s'élance en jet d'eau perpétuel et retombe en gouttes argentées sur la tête d'une naïade de marbre dont la blancheur égale celle de la neige. La statue n'est pas l'ouvrage de Phidias, mais le sombre rocher qui forme l'arrière-plan du tableau, les catalpas fleuris qui l'ombragent, et le brouillard brillant à travers lequel la nymphe se montre, prêtent à cette scène une beauté singulière. Il faut ajouter que la soirée où je la vis était très chaude, et le contraste de la fraîcheur de cet endroit en rehaussait certainement le charme. Il était impossible de ne pas envier à la naïade sa douche éternelle. En revenant de cette excursion, nous vîmes, dans toutes les parties de la ville, des affiches annonçant que Miss Wright devait ce soir faire ses adieux aux citoyens de Philadelphie sur le théâtre d'Arch Street avant de partir pour l'Europe. Je résolus sur le champ d'aller l'entendre, et j'exécutai ce projet, quoique non sans difficulté, attendu la foule qui s'y portait. La salle, qui est fort belle, était complètement remplie d'auditeurs bien mis et attentifs, et il y en avait jusque sur le théâtre. Il s'y trouvait plus de dames que je n'en ai jamais vu en Amérique au spectacle, en quelque occasion que ce fût. La raison en était peut-être qu'elles étaient admises sans payer. Miss Wright arriva sur le théâtre, entourée d'un cortège de quakeresses, portant le costume de leur secte. Elle fut, comme elle l'est toujours, étrange dans ses théories, mais elle parla avec une éloquence puissante, et au total elle fut fort applaudie. Cependant, un passage de son discours produisit beaucoup d'émotion et fut accompagné de quelques sifflets. Elle avança positivement, sur l'autorité de Jefferson dans ses ouvrages posthumes, que Washington n'était pas chrétien. Une voix s'écria du parterre avec un accent d'indignation. « Washington était chrétien !» Mais il est évident que la majorité de l'auditoire regarda l'assertion de Jefferson comme un compliment fait à l'idole du pays, car le bruit des sifflets fut bientôt étouffé sous celui des applaudissements. Le général Washington lui-même rend un compte un peu différent de ses principes, car dans ses admirables adieux, quand il refusa d'être réélu président, je trouve le passage suivant. « La religion et la morale sont les bases indispensables de toutes les dispositions et de toutes les habitudes qui conduisent à la prospérité politique. Celui qui chercherait à renverser ces grandes colonnes du bonheur humain, ces étais les plus solides de la destinée des hommes et des citoyens, réclameraient en vain le titre de patriote. Un volume ne suffirait pas pour apporter tous les rapports qu'elles ont avec le bonheur public et privé. Et n'admettons qu'avec précaution la supposition que la morale peut exister sans la religion. La raison et l'expérience nous défendent d'espérer qu'il puisse y avoir une moralité nationale, si l'on exclut le principe religieux. Je ne déciderai pas lequel de Jefferson ou de Washington lui-même savait le mieux quels étaient les principes de celui-ci, mais après avoir rapporté ce que dit le premier, il paraît juste de citer aussi les paroles de l'autre.